On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm done. I've been to the on the rocks. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans On the Rocks comme tous les lundis soirs de 19h à 20h. Émission spéciale ce soir et ô combien, puisque nous allons retrouver dans On the Rocks pendant une heure et demie une artiste qui m'est chère. Il y a des artistes qui valent un peu plus cher que d'autres. On s'est rencontrés il y a bien des lunes à l'époque de son premier album qui s'appelait Milagro. C'était ici, dans les studios et à l'Astrolabe. Et depuis, nous sommes devenus des connaissances et puis des copains et puis presque des amis. Voici donc le nouvel album de Natalia M. King qui vient de nous arriver. Chanteuse américaine de Brooklyn qui a sorti donc un album il y a bien longtemps qui s'appelait Milagro, qui était fantastique, repéré par Canal+, signé sur une énorme major alors qu'elle jouait dans le métro, et puis deux autres albums et puis une disparition. Elle était repartie vivre aux États-Unis. Elle a eu plusieurs vies, Natalia M. King. Elle a été même pêcheuse en Alaska sur un bateau, et elle est revenue il y a quelques années avec deux albums plus soul, blues, jazz, et puis cette fois, c'est peut-être son meilleur album qui vient de sortir. Il s'appelle Woman Mine of My Own. Il est sorti chez Dixie Frog Records, qui est la maison de disques référence en matière de blues et en France. Et elle revient donc avec cet album de 9 titres qui est magnifique, de quelques reprises, beaucoup de compositions, le retour de la guitare et un album extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir Natalia au téléphone, c'était au mois de septembre. L'interview aurait dû être diffusée dans cette émission On the Rocks bien plus tôt, mais Dixie Frog n'a pas vraiment fait le nécessaire pour que je chope le disque avant. Donc voilà, je l'ai eu quand je l'ai eu à sa sortie. Et donc je vous diffuse cette interview de Natalia M. King. Tendez bien l'oreille, cette personne est absolument remarquable. C'est moi, pour moi, une des plus grandes artistes de notre époque. Voilà, donc je suis assez fier de vous présenter cette interview. Alors oui, il va falloir tendre l'oreille. Ça s'est fait au téléphone, cette interview, avec les moyens du bord. Donc c'est un son de téléphone. Ça a été enregistré au mois de septembre. L'album n'était pas encore sorti. Il ne sortait que dans deux mois, puisqu'il vient juste de sortir. Je ne connaissais que quelques morceaux de cet album de Natalia M. King. En tout cas, on en parle avec elle. Et on commence par le morceau qui ouvre cet album et qui donne le ton. La guitare avait un peu disparu de ces albums, et c'est bien dommage. Enfin, c'est bien dommage, ça faisait des très beaux albums, mais ça manquait un petit peu à sa voix. Eh bien, cette guitare revient avec Woman Mine of My Own. C'est le nom qui donne le nom du morceau, qui donne le nom à l'album. On commence avec cette slide guitare, et puis ensuite, c'est Natalia M. King en interview. C'était un matin, un mercredi matin en septembre. Il faisait gris, il faisait froid, et pourtant, cette interview a illuminé la journée. Vous êtes dans On the Rocks, spécial Natalia M. King ce soir. suis donc avec Nathalie Emking au téléphone. Bonjour ma chère Nathalia. Bonjour mon cher Manu, ça fait plaisir de t'entendre. Et vraiment, depuis toutes ces années, c'est génial de savoir que j'ai un ami si fidèle et une radio aussi fidèle à ma musique. Eh bien pareil, ton amitié me réchauffe, ma chère Nathalia. Ah ouais. Par contre, je ne vais pas te demander quel temps il fait vers chez toi à Arles, là, parce que tu vas m'énerver, d'accord? On ne va pas parler de la météo, d'accord? Bah oui, ça va t'énerver parce que vraiment, ciel bleu, chaud. Non, ça ne m'intéresse pas. On va parler d'autre chose. On va parler de ce nouvel album qui arrive. Woman Mine of My Own, je l'ai bien dit. Of My Own, exactement. Ouais. Alors, ce nouvel album arrive chez une nouvelle maison de disques, Dixie Frog. Mm-hmm. Pour nous, qui écoutons la musique, une maison de disques, c'est juste un logo en bas d'une pochette. Je pense que pour vous, les artistes, c'est bien plus que ça. Alors, qu'est-ce que ça représente de changer de maison de disques et qu'est-ce que tu as trouvé dans cette nouvelle maison Dixie Frog, qui est une maison, pour les auditeurs, un peu historique de blues, de rock et de soul? Déjà, c'est un immense privilège, un immense honneur que je suis signé par Dixie Frog. Je dirais que le label de blues, c'est la label, comment on appelle le label, le label. Le label de blues en France. Pour des années, je regardais de loin cette label grâce à Papa Chubby. Papa Chubby, qui était, Papa Chubby, le guitariste, chanteur qui était signé. Et qui m'a intéressé dans cette label, et j'ai vu qu'ils avaient des autres personnes. Vraiment, j'ai dit, waouh, c'est un super un jour. Et hélas, ce jour est arrivé. Pour moi, c'est vraiment un privilège, c'est un honneur. Et en plus, c'est des gens tellement humains, tellement personnels dans leur approche vers l'artiste, et vers la musique, et vers ma musique. C'est bon, je crache pas dessous tous les autres labels. Je suis vraiment dans la reconnaissance. Et comme on dit en français, grateful. Ouais, la gratitude de chaque possibilité que j'ai eue pour être signée. Mais Dixie Frog est vraiment exceptionnel à propos de rapport humain. Vraiment super. Et en plus, vraiment ciblé vers le blues, la musique qui est mon âme, qui est mon ADN. Ça, mon cœur. Oui, ma ADN. Donc, ça tombait vraiment, vraiment, vraiment bien. Et j'attends la suite. Et je pense que ça va être super. Parce que quand on a la combination de bonne musique et bon rapport humain, et de liberté, tu peux avoir que le succès. Et de liberté. Mmh. Exactement. Et ils m'ont donné ça avec cet album-là. Vraiment beaucoup de liberté. Donc, c'est super. C'est génial. Alors, cette liberté, on la retrouve sur la pochette du disque, en tout cas celui du single, je pense que ce sera la pochette de l'album aussi, où on te voit déchaîné, solaire, les cheveux détachés. Je pense que tu n'en as jamais été aussi solaire sur une pochette d'album. Wow. Est-ce que ça reflète un petit peu ce qu'il y aura dans l'album? C'est exactement ça, c'est génial, solaire, wow, that's a nice word, that's super, j'aime bien. Oui, ça va refléter le sens que c'est pas seulement solaire, mais on retourne à le mot libre. Cet album, vraiment, Woman Mind of My Own, en français, ça veut dire la femme avec sa propre esprit, sa propre tête à elle, presque en façon têtue. et cet album est le reflet des les différentes parties de Nathalie Emking, les différentes facettes de Nathalie Emking, qui aujourd'hui, à un certain âge, j'ai envie lâcher, j'ai envie le donner la permission d'être libre. Oui, l'idée de la pochette, c'était ça aussi, tu vois, sauvage, libre à faire ce que j'ai envie faire, aimer qui j'ai envie d'aimer et être qui j'ai envie d'être. Donc et je pense quelque part, pour pas tomber dans des trucs très philosophes, mais quand on est libre, on est quand même guidé par une certaine lumière, ou quelque chose autre de la limitation de nos concepts humains et nos petits pièges humains. Donc oui, je peux dire que c'est synonyme libre et lumière. Et je pense que effectivement, la pochette, peut-être le lustre bien. Le lustre bien. Ouais. Alors, solaire, têtu et libre, ça te va pas mal quand même. surtout têtu, hein. Têtu aussi, hein. Têtu aussi, ça va, mais... Eh ben oui. Eh ben oui. C'était un extrait du dernier album de Natalia Emkin qui nous accompagne ce soir dans The Rocks. C'était un duo, Lover, You Don't Treat Me No Good, un duo avec Grant Haua, qui est un bluesman maori qui lui aussi est signé sur Dixie Fraud Records. C'est le label qui vient de sortir ce magnifique album de Natalia Emkin qu'on visite ce soir avec elle, qui est, je pense, vraiment son meilleur album. On va la retrouver, depuis Arles, où elle a élu domicile en France, dans le Sud, depuis quelques années. Et puis moi, c'était à Failloge, hein, voilà, c'est dans le Loiret. Nous étions au téléphone, c'était un mercredi matin du mois de septembre, et nous parlions de cet album qui est là dans les bacs depuis quelques jours. Alors, on a le premier single qui s'appelle Aka Chosen, qui est sorti. Mm-hmm. L'album, ce sera en novembre. Alors, moi, j'ai eu une impression, tu vas me dire si je me trompe. On va refaire un petit peu d'historique. Sur les premiers albums, depuis Milagro, l'album qui m'a fait te découvrir et nous rencontrer, c'était un album plutôt tourné du côté des guitares, du rock, de la folk sensible et vibrante, mais c'était de la folk. Et puis dans ta deuxième, j'allais dire dans ta deuxième vie musicale, sur les deux précédents albums, là c'était plus du jazz, de la soul, du blues mélangé. Et là j'ai l'impression que dans, au moins dans ce morceau, A Cat Chosen, c'est un mélange des deux Natalia M. King. On a l'impression du retour de, peut-être c'est la guitare hein, acoustique qui lance le morceau. Il y a la rencontre entre la première Natalia, celle de la première période, et de celle de la deuxième période. Est-ce que tu as l'impression de retrouver des sensations des premiers albums? Oui, il y a le sens que cet album, avec la base qui est blues, il y a beaucoup de clins d'œil, de folk et de rock. Donc, et je pense que tu viens de le dire bien, qu'il y a une partie de la Natalia de Milagro, la Natalia de période universelle qui ressort. Et qui fait aussi son petit clin d'œil à Natalia qui existe aujourd'hui, qui est plutôt blues et jazz. Non, c'est un bon super analyse, c'est exactement ça. Les deux se retrouvent pour former encore notre entité de Natalia. Et je pense que ça donne quelque chose vraiment, oui, un clin d'œil de passé, un clin d'œil de présent, un petit peu de futur. C'est exactement ça. Tu l'as nommé vraiment super bien. Oui. On peut dire que c'est le cas. Ouais, A Cat Chosen, c'est une chanson sur la tolérance, l'acceptation de l'humanité de chacun, des amours de chacun et de la vibrance de chacun. Est-ce que c'est pas une chanson d'amour, tout simplement? Oh, man. Manu, vraiment, t'es en profondeur. C'est pas pour rien qu'on est des amis presque 20 ans. tu as touché vraiment exactement le point. C'est ça, c'est pas une... Une chanson, ni des causes, ni de revendications. Merci pour le mot, pour des revendications. C'est une chanson sous l'amour. Et surtout, une chanson sous le droit d'être aimé. Et aimé par qui on veut et comme on veut. Et comme on veut, exactement ça. Et pourquoi AKA, chosen? AKA, en anglais, c'est also known as. Je sais pas qu'est-ce que c'est là. La meilleure interprétation. Également connu sous le nom de... Voilà également connu sous le nom de Chosen. Et le début, le titre, c'était My Coming Out Blues. Tu vois, My Coming Out Blues. Et à côté, j'avais AKA Chosen, also known as Chosen. Et pourquoi Chosen? Parce que dans le passé, tu sais, je restais très... discret à propos de mes préférences sexuelles et les gens avec qui j'ai voulu avoir des histoires d'amour. Mais là, maintenant, je pense que c'est nécessaire de parler un peu plus. Pourquoi? Parce que je trouve que le monde retourne à une forme de on va dire homophobie. Pas le monde, mais il y a des pays de l'Est, etc., qui commencent vraiment à avoir une haine vers des gens qui choisissent d'avoir des préférences et qui le nomment comme des gens comment on peut dire ça, maudites, des gens malades, des gens tout court pas bien. Et dans ma tête, quand j'étais en train de l'écrire, j'ai dit, ici c'était le contraire. Si ce n'était pas que ces gens-là, moi qui fais partie, on n'est pas là on n'était pas choisi pour vous ouvrir les yeux vers l'amour, pour vous évoquer que l'amour elle est beaucoup plus que vous pensez. Si on n'était pas choisi d'ouvrir des portes pour qui guide ou qui aller vers la contemplation de qu'est-ce que c'est l'amour vraiment. Si c'était pas le contraire, tu vois, pas le fait d'être maudite, mais choisi pour taper à la porte aux consciences du monde et dire il y a beaucoup de façons d'aimer et je suis là pour vous le montrer. Est-ce qu'il y a des sens en qu'est-ce que je dis? Est-ce que je me bien suis sûr, bien exprimé? Oui, bien sûr, ça s'appelle retourner l'argument. Oui, ouais. Très bien. Oui. Retourner l'argument. Ouais, bah, super. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais si. c'était dans ce sens-là. C'était parfait, dans le fond et dans la forme. Voilà. Il manquait un peu d'accent du midi, mais c'était très bien. First it was a he, mama That's the way I grind back then. Life is too short and love is too sweet to hurry up and make up your mind. I was a misconnected dot. I was the bottom, misread line. D'un blues à la slide guitare qui ouvre cet album, c'était Woman, Mine of My Own, qu'on s'est passé en ouverture d'émission ce soir dans On The Rocks. Et puis il y a ensuite ce morceau I Got Chosen qui a été choisi justement pour être le premier single de cet album, un morceau gospel rentre dedans, hypercute, qui dit en substance j'aime qui je veux, comme je veux. Et c'est un très très beau morceau. On retrouve cet artiste majeur qu'est Natalia M. King en interview réalisée au mois de septembre dernier pour parler de ce nouvel album qui vient de sortir chez Dixie Frog Records et que je vous conseille plus que chaudement. On va se le diffuser quasiment dans son intégralité ce soir. Alors le monde a pas mal changé depuis Blues in Till Dawn. Je sais pas si tu as remarqué, c'est pas mal de choses depuis 2016. Est-ce que toi ça a modifié ton approche de la musique ou est-ce que au contraire ta musique ça a été une sorte de bulle dans laquelle tu t'es réfugié, un peu protégé du monde extérieur? C'est une bonne question parce qu'il y avait beaucoup de questionnements. On peut parler d'entre 2016 et 2020, entre le Covid qui est passé 2 ans suite vraiment d'une façon extrême. Il y avait un moment, je vais pas le nier, en disant waouh, c'est pas super d'être un musicien là à ce moment-là parce que vraiment c'était dur, même. Bien sûr. C'était très très dur. Et c'était dur psychologiquement parce qu'on peut pas jouer. C'était dur économiquement, parce que c'est quand on joue pas, mais par contre, c'est vrai que ça donnait ouverture à la création. Et pendant cette période-là, même s'il y avait un petit boule à dire, bon, est-ce que je ne suis pas dans de mauvaises professions, la créativité appelait, tu vois, la nécessité de pas dans le monde intérieur appelait. Et le monde intérieur, pour moi, un des mondes intérieurs pour moi, c'est la musique. Mmh. Donc, et d'ailleurs, c'était pendant cette période-là que beaucoup des chansons de Woman Mind of My Own étaient écrites. Donc, c'était un mélange. C'était un mélange entre les deux. Entre cet refuge de la musique et aussi bien mon questionnement de où je vais en étant musicien. Mais je pense que celui-là a gagné, c'est l'intérieur qui a pris le refuge vers la musique parce que, regarde, the prize, regarde, la suite, c'était une signature Dixie Frog et cet album qui va sortir en novembre. Let me help you. Forget yourself. Shut the door, baby. Let yourself fall in these loving arms that long and wait entirely for you. No one asks but you. Let me. Une des pépites du dernier album de Natalie Emkin, mais je crois qu'il y a 9 morceaux, il y a 9 pépites avec cette section de cuivre absolument fantastique qui nous ramène du côté d'Otis Redding, voire d'Aretha Franklin. C'était donc Forget Yourself, morceau écrit et interprété par Natalie Emkin, figurant sur son dernier album. Dernier album où il y a quelques surprises et en particulier un duo assez incroyable sur un morceau qui est un de mes morceaux préférés, d'un de mes artistes préférés. Donc là vraiment, j'ai été cœur de cible, on en parle maintenant avec Natalia. C'est c'est l'interview ce soir, émission spéciale Nathalie Emking. Ah oui, donc ça faisait partie des changements positifs et tous les changements n'ont pas été négatifs dans cette période. Un des changements positifs qui, je le sais, a dû te mettre du baume au cœur, c'est que Donald Trump ne dirige plus ton pays d'origine, les États-Unis. Ça c'est plus que positif, quoi. Ça enlevait un gros caillou dans ta chaussure et dans la chaussure de tout le monde, je crois. Dans beaucoup de monde, vraiment. Est-ce que ce sera évoqué dans ton album, ça? Est-ce que tu en parles dans l'album? On parle avec, je ne sais pas si c'est directement, mais on refait la chanson Pink Houses, Inter-America. De John Mellencamp. De John Cougar Mellencamp avec Elliot Murphy, un si bien ou un expat qui habite ici en France. Et cette chanson, pour nous, c'est tu vois, toute la couleur que l'Amérique, littéralement, et même politiquement, qu'il peut avoir. Et le fait qu'on venait de 8 ans d'Obama à 4 ans de Trump, et qu'aujourd'hui c'est Biden et Kamala, c'est Inside America. C'est pas les États-Unis, ça. C'est ce type de scénario, ce type d'extrême, mais extrême en une façon, oui, libre. Inside America. Donc, on le chante avec vraiment une sincérité, en disant, oui, on peut avoir une Amérique de Trump, et après avoir une Amérique de Biden. Il sait les États-Unis. C'est les États-Unis en toute cette honnêteté. Et toute cette sincérité, un pays dont tout est possible. Donc on le chante en pensant à tout ça, vraiment. Donc effectivement, on retrouvera Elliot Murphy sur l'album. Ça, c'est une grande surprise. Alors, tu sais, je t'ai dit à quel point j'étais fanatique de John Cougar Mellencamp. Donc pour moi, c'est une autre très bonne surprise. Et vous voir réunis tous les trois, John Cougar pour la composition et Elliot Murphy et toi pour l'interprétation, ça va être pour moi un grand moment. Elliot Murphy... Outre que c'est un Américain en France, comme toi, vous êtes deux Américains en France, est-ce que vous avez d'autres points communs? Est-ce qu'à le rencontrer, tu t'es découvert d'autres points communs avec lui? Ben, on a évidemment, première chose qu'on a pensé, c'était vraiment super que Trump ait plu. Oui. C'est la première conversation qu'on a eue avec un grand chouf, pas comme on dit ça, ouf. Soulagement. Un grand soulagement ensemble que c'était... C'était plutôt Biden et Harris. On va dire qu'on a le même point de vue politique commun, ainsi bien, un grand amour pour notre pays, l'Amérique. Parce que ce n'est pas parce qu'on habite ici en France aujourd'hui et qu'on a décidé de vivre ici que l'Amérique n'est pas un grand amour. Et donc on a parlé de ça, mais ainsi bien, l'amour de la musique. Et la type de musique, le blues, le folk, voilà. Oui, pas mal de choses en fait en commun. Mais on n'avait pas assez de temps à propos d'aller vraiment dans la profondeur. Mais je pense que la base de notre rencontre, elle est vraiment belle. Et vraiment, elle est bien. Et on souhaite continuer à faire des choses ensemble dans le futur. Donc. There's a black man with a black cat living in a black neighborhood. He's got an interstate running through his front yard. You know he thinks he's got it all so good. And there's a woman in the kitchen cleaning up the evening. And then looks at her and says, hey darling, I can remember when you could stop a clock. Oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? And me. door. This must be my destination. 'Cause they told him when he was younger, said, boy, you're gonna be president. But just like everything else, of old crazy dreams kinda came and went now. Oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America home of the free? Yeah. It'll take houses for you and me, for you and me. Where there's people and more people, what do they know? No, no. Go to work and somehow rise and vacation down at the Gulf, Mexico. Oh, yeah. And there's winners and there's losers, but they ain't no big deal. The simple man, baby, pays for thrills with pills that kill now. Ah, oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America home of the free? Yeah. Little pink houses for you. lost your day. And homeless crew, ever see it clear? The end is coming almost. Wasted days. De John Mellencamp dans The Rock ce soir, c'est jamais trop. John Mellencamp, on peut s'en passer plein. D'abord, il y a eu le Pink Houses tiré du dernier album de Natalia M. King qui est en interview émission spéciale ce soir dans The Rocks, en duo avec Elliot Murphy, le vieux complice de Bruce Springsteen, lui aussi, comme Natalia M. King, installé en France depuis pas mal d'années. Et puis à l'instant, c'était encore John Mellencamp, mais avec un morceau de son dernier album à venir qui n'est pas encore sorti, ce Wasted Days, en duo, vous l'avez reconnu, avec Bruce Springsteen, mes deux idoles de jeunesse réunies. Vraiment, j'ai failli faire un malaise lorsque j'ai entendu ceci. On retrouve Natalia M. King donc en interview, interview réalisée pour la sortie de cet album qui vient de sortir, et interview réalisée, c'était au mois de septembre. Artiste, il y a la rencontre sur le fond, sur les idées, mais il y a quelque chose qui est immédiat entre deux artistes chanteurs, c'est les voix. C'est-à-dire que quand deux voix se rencontrent, on voit si ça colle tout de suite, il y a une sorte d'alchimie. Est-ce que, alors peut-être avec Elliot Murphy, mais est-ce que tu as le souvenir avec lui ou un autre artiste d'avoir quelqu'un que tu connaissais pas, avec qui tu as chanté sur scène et tu as été surpris par les deux voix qui elles se connaissaient pratiquement, se sont rencontrées? Je vais commencer avec Elliot. Vraiment, quand tu vas écouter la chanson, vraiment il y avait une symbiose vraiment entre les deux voix, pas parce qu'ils étaient similaires, mais à la contraire. Ils étaient tellement différents. Complémentaires. Qu'il y avait... Oui, ils étaient complémentaires. Vraiment complémentaires. Ça fait une magie. Je pense que... Bon, tu me dirais, tu me diras. Oui, oui, oui. Vraiment, et même quand on est en train d'enregistrer ensemble, c'était vraiment l'échange des yeux et l'interprétation de chacun. C'était vraiment magique. Je vous jure, you're gonna hear it, tu vas l'entendre. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment magique et superbe. Elliot, qui d'autre? Ça fait tellement longtemps. Il y avait, on échange, c'était pas nécessairement musical, mais avec Segal, Vincent Segal. Il y avait qui a joué. Au pont les artistes. Oui, exactement. Et ça, il y avait un moment là. Je me souviens bien, c'était, vous avez fait une reprise de Little Red Rooster, non? C'est ça, oui. Mais pas seulement une reprise, mais quelque chose, comment on dit ça? Improvisation. Improvisé. Elle a dit, fais un blues, n'importe laquelle. Et je dis, mon Dieu, mais laquelle? Et donc, on a fait ça. Et ça, c'était ensuite un moment magique parce que j'ai trouvé qu'il avait essayé de me trouver, tu vois, il vice-versa. Donc, on était dans une. On est lent un peu, comme les deux doigts de, je pense que c'est Da Vinci, où on avait essayé, tu vois, de vraiment, et ça c'est magique, ça c'est magique. Après, ça fait tellement longtemps, il y avait, This Is Our Music, qui date de longue date, mais c'était encore le jeu avec Nino Cinelli. Lui, il a joué en truc percussive, mais je sais pas s'il a chanté. Donc, pour l'instant, le seul mémoire qui reste vraiment génial, c'est Suadel et Murphy, c'est la plus récente. Mm-hmm. Mais c'est super, vraiment super. A good guy, just mm-hmm. a really nice, beautiful, good. He's, if there's a word, s'il y a une parole, he's class. Elliot Murphy's class. He's just complete class. I fucking love it, really. It's too late to say, give me is a high royal flush, and you know it. Day out, call your bluff, don't you blow. On savait que Natalia M. King était une fabuleuse chanteuse. Elle le prouve encore une fois, en particulier sur ce morceau qui s'appelle Play On, qui est l'avant-dernier morceau de son album qui vient de sortir, qui s'appelle Woman Mine of My Own chez Dixie Frog. Morceau composé par Natalia M. King. On sent que ça a été joué live. Et puis, juste avant, il y avait Natalia M. King sur scène dans une improvisation du Little Red Rooster de John Newker avec un solo de guitare blues, mais qui n'était pas joué à la guitare, qui était joué au violoncelle par le grand Vincent Segal. C'était il y a quelques années sur le plateau du Pont Les Artistes. Bien sûr, on retrouve du blues sur cet album de Natalia M. King, mais pas que. Et on en parle justement maintenant du blues et du pas que. Alors, il y a une renaissance au niveau du label, il y a une renaissance au niveau de ta musique, et il y a aussi une renaissance au niveau des concerts, puisque là, ça va pouvoir redémarrer. Lors de des précédentes tournées, je te voyais souvent assise, les cheveux attachés, et là, sur la pochette, t'es debout, tu hurles et t'as les cheveux détachés. On va s'attendre à quoi sur scène? Qu'est-ce qui va se passer sur scène? Bah, je pense que ça va être ça, hein. Je pense que je vais faire mes exercices et me mettre en forme. Voilà. En fait, je voulais vraiment, c'est deux choses. Le blues, quand j'ai joué, j'ai chanté le blues, c'est vraiment, tu sais, les bluesmen, ils sont assis. Oui. Beaucoup ils étaient assis. Et je sais pas si c'était en question vraiment de gravité ou d'être, tu vois, plus proche au centre. Je sais pas. Mais c'était plus confortable pour moi en les deux derniers albums où vraiment, où j'ai, oui, que j'étais ancré. Tu vois, du côté pas... BB King. Yeah, BB King, Johnny Lee Hooker. Si tu regardes, beaucoup sont assis. Mm-hmm. Mais c'est aussi, ouais, je sais pas, mais c'est un bon, it's a good point. Je veux me mettre en exercice pour être sûr que ouais. Je suis debout sous des ça. Assouplissements, ouais, des assouplissements. Commence dès maintenant. I love you. head. You're the only one I want in and out of my bed. You are under my skin, deep in my heart, sunrise or sunset. Within my mind. Des idoles de Nathalie M. King, c'était le grand B.B. King assis évidemment avec Lucille dans les mains, Sweet Little Angel, et à l'instant c'était Nathalie M. King qui avait elle chanté un morceau Angel qui était pour moi un de ses plus beaux morceaux de sa première partie de carrière. Et bien elle revient donc avec ce morceau Sunrise to Sunset tiré de son dernier album. Et ben on la retrouve tout de suite maintenant à nouveau dans l'émission On The Rocks en interview pendant que vous mangez peut-être votre soupe un peu tiède, on sait pas. Et quel disque t'accompagne en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Est-ce qu'il y a, alors, voilà, à chaque moment de la vie et à chaque moment émouvant de la vie, on a un disque qui nous accompagne. Quel disque est-ce que tu écoutes beaucoup en ce moment? Je peux pas dire qu'il y a un spécifique. Là, exemple, tu viens d'appeler, j'étais en train d'écouter, The Source de Alifa Kattori. Donc, je peux pas dire que ça dépend. Moi, je suis vraiment dans l'instant, dans le moment. Il n'y a pas un disque qui m'accompagne. Il y a des instants qui m'accompagnent. Et selon cet instant, je prends un disque. Et cet matin, c'était Alifa Kattori, l'album de Source, une presque trance. Super. Pour se réveiller, super. C'est pas. Pour se réveiller, pour se mettre dans une vibe sereine. Et, cool, c'était ça. Me too. Bahin ni me, bahin ni je, bahin ni me, far, so far away. Morceau qui figure sur le dernier album de Natalia M. King, composé par Natalia M. King et son guitariste. Et juste avant, c'était Ali Farka Touré avec Taj Mahal en duo avec Mahini Mi, tiré de l'album qu'écoutait Natalia M. King ce matin-là lorsque nous avons réalisé l'interview. Nous allons la clore désormais, cette interview de Natalia M. King. Je vous rappelle donc son album qui vient de sortir, qui est tout à fait magnifique et qui, je pense, est son meilleur album. On la retrouve donc, et j'espère, bientôt en concert. Bah oui, justement, bientôt en concert. Dernière question, Natalia. Quand est-ce que tu vas revenir jouer du côté de chez nous, du côté d'Orléans? Eh ben, écoute, en parlant de tournée, je vais, et c'est important que je dis aussi que j'ai un nouvel tourneur. Il s'appelle David Kielhofer. Mm-hmm. Et ça s'appelle Music Forever Productions. Comment ça, s'il y a des salles à Orléans qui écoutent l'émission, c'est la personne qu'il faut contacter. Ça sera avec immense plaisir. Grâce à cette, on va dire, interview, je parlerai aujourd'hui. Je l'utilise comme une excuse pour dire, écoute, il y a des gens à Orléans qui aimeraient bien que je ne suis pas là et que je suis vers eux. Comment s'appelle cette salle que je jouais à Orléans? L'Astrolabe. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, bien sûr, oui, oui. Et peut-être que Mathieu Dufault va écouter l'émission Le Programmateur, je lui enverrai. Hein? On a parlé de toi encore lundi dernier dans l'émission quand le A Cat Chosen a été le coup de cœur. Tu vois, il était dans les studios. Ah, oh great, wonderful. Bon, merci beaucoup pour ta musique, Natalia. Et voilà, têtu, solaire, libre et des assouplissements. Et de. Hein, voilà. Et moi, j'ai envie de te remercier, Manu. Après toutes ces années, tu es quelqu'un vraiment merveilleux, fidèle. Wonderful, good. Eh ben, je prends le compliment. Vibes. Par contre. Et vraiment, c'est l'honneur à la mienne. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, pour que tu le saches. Ton amitié m'est chère. À bientôt, Natalia, sur scène, je l'espère. Et puis, longue vie à cet album, ce magnifique album qui arrive là. Merci. Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup, Manu. Gros bisous, je t'embrasse très fort. L'album qui clôt le morceau qui clôt l'album, c'est une reprise de George Michael. Oui, George Michael. One More Try, magnifié par Natalia King. Trying to find some peace. c'était Natalia M. King avec le morceau qui clôt cette reprise de George Michael, et oui, étonnant, qui clôt son album merveilleux. L'émission, l'interview sera diffusée et disponible sur ontherocks.net dans les heures, les jours qui viennent. Et puis voilà, j'espère que Natalia pourra venir nous rendre une petite visite en concert par chez nous. Ce serait vraiment très bien. Donc, programmateur, programmatrice, si vous avez écouté l'émission et que vous avez aimé, allez-y, foncez-y. N'hésitez pas, l'album est vraiment somptueux et sur scène, elle dégage quelque chose de magnifique. Dans quelques instants, dans quelques minutes, il y aura Rémi et la Red Arc du sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des invités, les membres de la fanfare Saugrenue, qu'on s'est déjà diffusé dans The Rock, cette fanfare Tourangelle qui reprend des morceaux magnifiques du rock'n'roll. On s'était diffusé le Grace de Jeff Buckley. Et bien voilà, on en saura un petit peu plus avec eux et leurs goûts musicaux la semaine prochaine. Dans 15 jours, interview et émission spéciale de Camélia Jordana que j'ai réalisé ce week-end à Orléans. Voilà, une bien belle rencontre et une interview assez sympathique. Et puis la semaine d'après, dans 3 semaines, donc il y aura à nouveau un invité dans On The Rock. Ce sera Blutch, le fameux Blutch de plein de groupes d'Orléans, mais on en reparlera. Voici pour terminer l'émission un beau morceau tiré du dernier album de Jackson Browne. Alors Jackson Browne, quand on voit les photos, ça y est, il est vieux, enfin. Ça faisait longtemps qu'il avait une tête de jeune homme, et bien voilà, maintenant c'est un beau papy, et il vient de livrer un album où on retrouve sa voix qui n'a quasiment pas bougé, qui se clôt sur ce long morceau de 8 minutes qui s'appelle A Song for Barcelona. Une chanson pour Barcelone et une chanson pour Barcelone que je dis pour la chouette et l'abeille. Voici A Song for Barcelona dans On The Rocks. Ciao, ciao, bonsoir, salut du côté de Darvois et rendez-vous la semaine prochaine avec la fanfare Saugrenue. They come from Ireland, they come from Africa, they come from the US, they come from Canada, they come from Norway, they come from China, they come from Uruguay and from Bulgaria. Barcelona, for architecture and football, and for the streets that gave me refuge in my escape from rock and roll. Canso palmas